de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Professeur au Collège de France jusqu'en 2010, Jacques Bouvresse était titulaire de la chaire philosophie du langage et de la connaissance. Les cours qu'il a donnés au Collège de France sont inoubliables. Ainsi, par exemple, celui qu'il consacra pendant 3 ans à la philosophie du mathématicien Kurt Gödel. Mais Jacques Bouvresse, qui est lié entre autres à Noam Chomsky, n'a jamais cessé de s'insurger contre l'état du monde tel qu'il va. Son insurrection est parfois sévère, mais il aime aussi les grands pamphlétaires au rire grinçant. En 2000, Christine Le Cerf avait eu la bonne idée d'enregistrer avec lui une série d'émissions pour À Voix Nue. Nous allons entendre le 5e entretien de cette série. Jacques Bouvresse, dans nos différents entretiens, il a été longuement et abondamment question de critique qui consiste à se déprendre d'un certain nombre de fausses questions. Mais il est une autre forme de critique qui est également présente dans vos écrits, qui est une critique peut-être moins savante, moins sérieuse, mais beaucoup plus corrosive, qui est la satire. Notamment votre dernier livre qui est paru dans la collection de Pierre Bourdieu « Raison d'agir » et qui s'appelle « Prodige et vertige de l'analogie ». On y trouve des propositions qui sont très éloignées de la discussion scientifique. Je vais vous citer « La période structuraliste a été, c'est certain, extraordinairement brillante, mais une des choses dans lesquelles elle a le plus brillé est sûrement le degré de jobardise que l'on y a atteint. » Ou encore, faute d'introduire de l'esprit dans la puissance, on se convainc que la puissance a de l'esprit. Alors, que permet cette charge satirique que l'énoncé philosophique ne permet pas ? D'abord, si vous voulez, la deuxième phrase, bon, c'est une citation presque littérale de Mouzil. Mais enfin, ouais. Que vous reprenez à votre compte. Oui. Non, oui, absolument, parce que je pense que le problème que Mouzil avait déjà abordé à travers le personnage d'Arnheim, c'était précisément ce problème. C'est celui du moment où, après avoir en quelque sorte diabolisé l'argent, tout d'un coup on découvre que c'est peut-être pas la peine d'essayer de réconcilier difficilement et sans être certain d'y réussir le monde de l'argent avec celui de l'esprit, parce que peut-être que c'est l'argent lui-même qui a de l'esprit. Mmh. Alors à ce moment-là, on vous dit, comme le fait Bernard-Henri Lévy maintenant, hein, il ne faut pas diaboliser l'argent. Bon, d'accord. Mais entre ne pas le diaboliser et finir assez rapidement par le diviniser, je crois qu'il n'y a pas, une distance aussi grande qu'on peut le penser. Mmh. Ben, je pense qu'il y a des moments, oui, en effet, où probablement on est obligé d'utiliser la satire, précisément parce qu'on se rend compte que l'argumentation rationnelle risque de ne pas aboutir à grand-chose, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que la satire, elle, aura nécessairement beaucoup plus d'effet. Hein. Mmh. Krauss était sans illusion là-dessus, puisqu'il a dit qu'on ne peut pas empêcher. Il dit à peu près, on ne peut pas empêcher son époque de sombrer, on peut seulement lui dire qu'elle est en train de le faire. J'ai envie de dire, comme disait Zinoviev, dans les hauteurs béantes, tous ces personnages-là qui sont en guerre avec le système, et à certains moments, ils se disent entre eux, mais pourquoi est-ce que je fais ça, hein, alors que je pourrais très bien, et ça serait beaucoup plus commode, m'adapter comme les autres au système. Hein. À ce moment-là, il y a un des personnages qui répond, je ne sais plus si c'est le schizophrène ou le sociologue, qui dit, mais mon cher, parce que tu ne peux pas faire autrement. Bon, ben je crois que c'est tout à fait ça, si vous voulez. Moi, quand on me demande pourquoi est-ce que vous êtes en révolte contre toutes ces choses contre lesquelles vous polémiquez, je suis presque tenté de dire, ben c'est parce que je ne peux pas faire autrement. Mmh. Je ne me demande pas si ça va être efficace. Hein. Je me sens obligé de le faire. Il faut peut-être dire un mot de qui était Karl Kraus. Peut-être que certains de nos auditeurs ne le connaissent pas. C'est donc un Autrichien. Oui. Qui avait eu cette extraordinaire idée de créer sa propre revue, oui, de manière totalement indépendante, oui, et dans laquelle il s'adonnait à une critique sans concession d'un ensemble de phénomènes qu'il jugeait relever de la corruption. Oui, il s'est attaqué à peu près à toutes les institutions de la monarchie austro-hongroise, et en partant de l'idée que c'est lui-même qui dit ça. Il dit la corruption est l'institution la plus permanente en Autriche. Mmh. La seule institution réellement stable, c'est la corruption. Il dit aussi on peut obtenir absolument n'importe quoi en Autriche à condition de ne pas le réclamer comme étant son droit. On peut tout obtenir par des moyens illégaux, mais il faut surtout pas réclamer quelque chose qui vous est dû en vertu de la loi. Mmh. Et alors donc sa critique a visé absolument à peu près toutes les institutions de l'Autriche-Hongrie, mais spécialement le milieu intellectuel et journalistique. Alors on y vient, un de ses grands ennemis, c'est quand même la presse. Oui, c'est vraiment la presse. Oui, il considère que le symbole par excellence et le responsable principal de la corruption est la presse. Ce qui incite de façon assez immédiate à faire des rapprochements avec l'époque actuelle où le problème de la corruption du milieu intellectuel et journalistique se pose aussi de façon dramatique. Il est d'ailleurs évoqué de temps à autre dans certains livres, par exemple le livre de Serge Halimi, oui. les nouveaux chiens de garde. Oui. Naturellement, vous savez comment ce genre de livre est reçu. Hein, c'est considéré comme presque, on pourrait dire, un manque de savoir-vivre, si vous voulez, d'oser étaler aussi ouvertement les tares d'un système sur lequel, je pense, personne ne se fait beaucoup d'illusions, mais y compris d'ailleurs les journalistes eux-mêmes, tout au moins lorsqu'on en parle avec eux en privé. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qui ne doivent pas être dites. Mmh. Alors le satiriste, c'est généralement quelqu'un qui choisit de les dire, et même de les dire assez brutalement et assez méchamment. Moyennant quoi, il passe facilement pour un homme méchant, ce qui est arrivé à Krauss. Je suis absolument certain, d'après ce que je sais de la personnalité de Krauss, que c'était le contraire d'un homme qu'on pourrait qualifier de méchant et de haineux, mais il est souvent traité comme quelqu'un qui aurait agi essentiellement sous l'empire de la haine, hein, du ressentiment et de la haine. Alors, c'est un vrai problème, si vous voulez. Il y a des formes de révolte contre les tares, les vices de certaines de nos institutions, qui peuvent assez facilement être assimilés à une forme de ressentiment, mais dans ce cas-là, je dirais qu'il y a des formes de ressentiment qui sont légitimes, qui sont même honorables, et qui sont même obligatoires. C'est-à-dire, il y a des choses contre lesquelles il est normal de se révolter, et si on ne le fait pas, c'est que, précisément comme le pensait Krauss, il y a quelque chose dans ce qui se passe, il y a quelque chose dans notre époque qui réellement ne va pas. Mmh. Plus généralement, vous avez travaillé cette notion de la journalisation de la vie et de l'esprit qu'avait diagnostiqué Karl Krauss. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ? Parce que ça va plus loin que la critique des journalistes et du journalisme lui-même. C'est toute une manière de vivre et de penser qui est attaquée. Oui, c'est véritablement une transformation dans la pensée et dans la culture pour Krauss, qui est liée en effet à la toute-puissance du journal, mais qui représente quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Hein. Quand on regarde les polémiques de Krauss contre la presse, bon, son ennemi numéro un, c'est le quotidien. C'est le journal qui paraît tous les jours. Parce que pour le journal qui paraît tous les jours, il n'y a que la vérité du jour, au fond. Hein. Et alors, ce qui était vrai hier peut très bien ne plus l'être aujourd'hui. Il n'y a pas forcément un rapport d'implication logique ou de cohérence entre la vérité d'hier et la vérité d'aujourd'hui. Et je trouve que les journaux nous fournissent constamment des preuves de ça, si vous voulez, de l'absence totale du sens de la cohérence, hein, et du même coup de la constance dans les opinions. Alors ça, c'est devenu une caractéristique de l'époque. Aujourd'hui, les intellectuels qui font preuve d'une certaine fermeté et d'une certaine constance dans leurs convictions sont un peu ridicules, hein, ce qui est considéré comme normal. L'intellectuel le plus représentatif, l'intellectuel type, c'est à peu près celui qui est prêt à retourner sa veste tous les 2 ou 3 ans, ce dont un bon nombre de nos intellectuels ont donné des exemples extraordinaires. Alors, ce qui est étonnant, c'est l'indulgence, si vous voulez, avec laquelle on a fini par considérer tout ça. Le fait que c'est plutôt cette façon de faire qui est considérée aujourd'hui comme exemplaire. Hein. Il n'y a pas seulement changé de vérité, il y a aussi oublié. Alors, il y a la capacité d'oubli, il y a ce que Serge Halimi et Bourdieu ont souligné, selon l'amnésie, hein, c'est-à-dire la capacité d'oublier le lendemain ce qu'on a écrit la veille, qui est presque une caractéristique définissante du journalisme contemporain, qui bien sûr caractérise plus directement le quotidien que les autres journaux. Hein. C'est pour ça que Krauss a concentré sa critique vraiment sur le quotidien. J'ai proposé de parler d'un phénomène de journalisation de la pensée elle-même et de la vie en rapport avec, enfin, au double sens de, si vous voulez, journalier, hein, c'est-à-dire la vérité du jour, hein, et puis de journalistique, hein, parce que les deux choses vont ensemble. Et une chose que Krauss avait, je crois, pressentie, est déjà très clairement décrite, c'est ce processus de journalisation qui fait que, pour finir, le rapport qu'on entretient avec des choses aussi importantes, même aussi essentielles que la vérité, finit par être de type journalistique. Mmh. Hein, en ce sens que, au fond, si vous voulez, l'impression qu'on a souvent quand on lit les journaux, c'est que pour eux, il peut y avoir des fautes contre l'actualité. La faute, c'est de n'avoir pas parlé de ce qui était actuel, c'est jamais d'avoir écrit quelque chose qui n'est pas vrai, d'avoir parlé contre la vérité. Krauss avait déjà très bien compris qu'on était en train de remplacer, le fait par la nouvelle. Hein, ce qui compte, ce n'est pas le fait, c'est la nouvelle, c'est la transformation du fait en nouvelle. Puis pour finir, ce qui compte encore plus que la nouvelle, c'est celui qui l'apporte. Voilà. C'est-à-dire le messager des temps modernes, comme l'appelle Krauss, autrement dit le journaliste. Donc il avait très bien décrit, je crois, à l'avance, exactement ce qui est en train de nous arriver. Et alors, à cet égard, l'avènement de la télévision, c'est, à mon avis, ce n'est qu'une petite complication, parce que toutes les données du problème étaient déjà présentes longtemps auparavant. Karl Kraus dénonçait la corruption de la pensée, la corruption d'un milieu, celui de la presse. Mais plus largement, il s'insurgeait contre ce qu'il appelait la dépravation du langage. Il s'est même attaqué aux individus eux-mêmes, pas seulement aux institutions. Il a mis en cause des individus par leur nom. Oui, c'est un fait qu'il a choisi le genre de critique qui consiste à donner des noms, c'est-à-dire pas seulement à dénoncer la corruption une fois pour toutes et dans l'abstrait, comme on le fait, parce que tout le monde le fait. Si vous voulez. Les journalistes sont les premiers à être capables de dénoncer la corruption du milieu journalistique. Ce n'est pas très gênant, aussi longtemps que personne ne peut se sentir directement visé. Krauss, lui, donc, a choisi la critique personnalisée. Il s'en est pris à des individus nommément désignés. Bon, Herman Bahr, par exemple, qu'il a attaqué très durement pour sa façon de concevoir et de pratiquer la critique théâtrale. Il y en a eu bien d'autres. Hein. Félix Salten, Moritz Benedict, qui était le directeur du grand journal. Oui, alors le père de Wittgenstein lui-même. Maurice Bénédic, qui était le directeur du grand journal libéral, la Neue Freie Presse, etc. Donc il a attaqué vraiment très durement des individus, d'une façon dont probablement on hésiterait aujourd'hui à le faire. Hein. Mais vous avez quand même nommé par son nom Roger Paul Droit ou Régis Debray dans votre livre. Oui, oui, non, mais parce que là, je suis de l'avis de Krauss. Je pense que dans certains cas, il faut le faire. Si vous, parce que tant que vous dénoncez, tant que vous pratiquez ce que Krauss appelait l'anticorruptionnisme abstrait, Krauss dit l'anticorruptionnisme abstrait sert en fait la corruption, parce que dans les faits tout le monde est anticorruptionniste, mais ça n'engage strictement à rien, hein. Et le même individu qui est en train de dénoncer abstraitement la corruption peut très bien l'instant d'après se mettre à faire les choses exactement de la façon qu'il dénonçait lui-même un instant auparavant. Enfin, c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps. Alors, quelles sont, selon vous, aujourd'hui, les formes que prend la corruption et elle atteint quel milieu ? Oh, ben, je pense qu'elle atteint un petit peu tous les milieux, ce qui n'est pas surprenant. Mais là où il semble y avoir un vrai problème, c'est qu'il y a eu, semble-t-il, une vague de moralisation de la vie publique qui vise depuis un certain temps le monde politique. Là, bon, il y a eu toute une série d'affaires de corruption qui ont éclaté. Le citoyen ordinaire semble avoir retrouvé un certain goût pour la moralité. Or, chose curieuse, ça n'a pas du tout gagné le milieu intellectuel et journalistique, où on continue, dès que quelqu'un se met à parler de la corruption, de la nécessité de la combattre, il passe immédiatement pour un moraliste, un puritain, même éventuellement pire que ça. C'est Wilhelm Liebknecht qui parlait à propos du traitement que la presse autrichienne avait donné de l'affaire Dreyfus. Il parle des millions de balais dans des mains sales qui sont toujours prêts à s'agiter devant la porte des autres. Et alors là, c'est un peu pareil. On a l'impression que les journalistes sont toujours prêts à dénoncer la corruption partout ailleurs, en particulier dans le monde politique. Et d'ailleurs, il faut leur rendre cette justice que dans un certain nombre de cas, ils ont contribué eux-mêmes à lever le voile sur des affaires de corruption caractérisées. Hein, ça, c'est tout à fait à leur honneur. Mais en même temps, on n'a vraiment pas l'impression que cette lutte contre la corruption, qu'ils considèrent qu'il pourrait être aussi urgent de la pratiquer dans leur propre monde. Et pourtant, là, Dieu sait s'il y aurait du travail à faire, pour des raisons que Krauss avait déjà parfaitement analysées. Hein, en particulier ce qu'il aurait appelé, lui, les relations de tendresse qui existent entre, dans certains cas, entre critique, auteur et éditeur. Hein, c'est quand même assez frappant. On a l'impression qu'il y a des gens qui disposent d'une chronique dans les journaux qui sont plus ou moins directement au service de certaines maisons d'édition. Mmh. On a l'impression que réciproquement, les maisons d'édition cherchent autant que possible à avoir dans leur comité de lecture des gens qui disposent d'une chronique dans les journaux. On comprend très bien pourquoi. Bon, et puis il y a tout ce qu'on dénonce pudiquement sous le nom de copinage, qui est, je crois, alors c'est Finkielkraut lui-même qui parle de la triste exception française du copinage généralisé. Je crois que c'est en effet une exception. On est un des pays où on fait le moins d'efforts pour combattre ce genre de pratiques, comparé à d'autres pays européens, par exemple, et on les considère même comme tout à fait normales. Pensez à la pratique du cumul, par exemple. Bon, on a fini par considérer que, dans le domaine politique, le cumul n'est pas une bonne chose et qu'il faudrait autant que possible, sinon le supprimer, du moins le réduire sérieusement. Or, c'est une pratique, le cumul, qui est d'un usage extraordinairement courant dans le monde intellectuel. Si vous prenez l'un ou l'autre de ces personnages que Hamon et Rothman ont appelés des intellocrates, en général, ce sont des gens qui cumulent une multitude de fonctions diverses. Souvent, ils ont un pied à la fois dans le monde de l'édition, dans le monde de l'université et dans le monde du journalisme. Ça, c'est la situation idéale. Alors, est-ce que ce qui est mauvais en politique peut réellement être bon dans les affaires, dans les choses intellectuelles? Moi, je n'en suis pas sûr. Et de façon plus générale, une chose que j'ai remarquée, mais il y a déjà très longtemps que j'ai dit ça, c'est que quand il s'agit des autres milieux, des autres professions et des autres institutions, nous autres intellectuels, nous trouvons toujours qu'il n'y a jamais assez de démocratie et de transparence. Mais une fois de plus, ça ne s'applique pas au monde intellectuel, bon, qui est au contraire, si vous voulez, le monde des relations de pouvoir et d'influence entre intellectuels. C'est un monde qui est d'une opacité extraordinaire. C'est là où vous certainement vous saluez le travail de Pierre Bourdieu. Alors là, je me sens en effet très proche de Pierre Bourdieu sur ce point. La plupart du temps, effectivement, on est d'accord sur le diagnostic, qui d'ailleurs, moi, ne me semble pas si difficile que ça à faire. Hein. Si on a un minimum de méfiance et de perspicacité, quand même, bon, c'est difficile d'être dupe, d'être réellement mystifié par le genre de choses qu'on lit dans les journaux, hein, en matière de critique littéraire et philosophique. Dès qu'on connaît un peu les relations qu'il y a entre les gens dans le milieu, les relations de pouvoir, hein, en particulier, bon, on comprend quand même assez vite pourquoi X écrit un article sur Y, pas sur Z, etc. C'est pas très difficile. Bon, alors sur le diagnostic, c'est vrai qu'on est très souvent d'accord, oui. Maintenant, sur ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, je pense qu'on serait peut-être un peu moins d'accord, parce que évidemment Bourdieu, lui, il pense qu'il faut utiliser la critique sociologique savante, hein, c'est-à-dire il faut démonter les mécanismes voilà, de par les méthodes de la sociologie, les mécanismes de la méconnaissance, hein, comme ils appellent, en espérant que grâce à la connaissance ainsi acquise ou à la prise de conscience qui s'est effectuée, bon, il va se produire un changement dans l'attitude des intéressés. Bon, alors, j'ai eu beaucoup de discussions avec Pierre Bourdieu là-dessus. C'est un point sur lequel, bon, moi, je suis un peu plus sceptique, si vous voulez. C'est-à-dire, je ne suis pas tellement... Enfin, sur la base de ce que nous avons pu constater, disons, depuis le moment où les gens comme Bourdieu ont commencé, je pense à un livre comme Les Héritiers, nous avons tous été nourris à une certaine époque. Bon, est-ce que la prise de conscience a eu lieu? La prise de conscience du caractère foncièrement inégalitaire de notre système scolaire, sous une apparence soigneusement entretenue d'égalité parfaite. Bon, est-ce que la prise de conscience espérée s'est produite, ou est-ce qu'il y a eu des changements réels dans les attitudes et les comportements des gens? Malheureusement, je n'en suis pas tellement sûr. Je crois au contraire que l'inégalité du système scolaire, qui tend probablement à s'aggraver depuis un certain temps, je pense que c'est pas réduite, mais c'est plutôt le contraire. Or, elle semble être quand même, au fond, tout à fait bien acceptée, aussi bien par les gens de gauche que par les gens de droite. Par conséquent, on se heurte à un problème dont Bourdieu et moi avons souvent parlé. Qu'est-ce qu'il faut de plus que la connaissance pour transformer le monde social? Je suis convaincu qu'il faut la connaissance, bien sûr. Il faut dans un premier temps avoir identifié la façon dont ça fonctionne. Ça me paraît bien clair, et de toute manière, même si ça ne devait produire aucun effet, il est toujours beaucoup plus important de savoir que de ne pas savoir. Mais en même temps, on se heurte constamment à des gens qui, littéralement ne veulent pas savoir, n'ont aucune envie de savoir et considèrent même, c'est presque obscène si vous voulez, malpropre et même presque obscène de raconter des choses comme ce que Bourdieu raconte, parce qu'ils ont une vision tellement idéalisée de la façon dont fonctionne la société que ils préfèrent ne pas savoir. Donc je pense qu'il est toujours important de savoir, mais en même temps j'ai tendance à penser que savoir malheureusement ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut de plus? On peut dire bon, il faut pas seulement une transformation de l'intellect, il faudrait aussi une transformation de la volonté. Et ça, c'est là où la satire peut aider aussi. Alors voilà, peut-être, on peut, sans se faire trop d'illusions, oui, on peut penser que peut-être la satire peut sur ce point, est capable sur ce point de produire des résultats que la critique sérieuse et savante ne produirait pas. En faisant appel au lecteur, à quoi finalement? D'autres ressorts, évidemment, entre autres le sens du ridicule, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est aussi, vous savez, Krauss disait, aujourd'hui le ridicule ne tue plus, il est même devenu un élixir de vie. Est-il possible, si vous voulez, que ce qu'il y a de ridicule dans leur comportement ne soit plus perçu? Et ce qui fait que, quand Krauss, je me pose la question, si vous voulez, peut-être que plus rien, même pas la satire, ne peut réellement y changer quelque chose. Hein. Krauss était très conscient de ce problème. Et Lichtenberg, d'ailleurs, avait déjà, lui aussi, avait déjà été aux prises avec ce problème. Il dit, dans son commentaire d'une eau forte de Hogarth, il a écrit des commentaires extrêmement remarquables sur les gravures de Hogarth, et il y en a une qui s'appelle « Crédulité, superstition et fanatisme ». Et il dit dans son commentaire que, malheureusement, il est probable que la satire peut servir seulement à l'avertissement des gens qui sont en dehors, ou qui sont encore en dehors, mais pas à la transformation de ceux qui sont dedans. Vous voyez ? Alors, on peut se dire, ben oui, la satire, peut-être, ça peut servir... ça sera peut-être d'un certain usage pour les jeunes générations, ceux qui ne sont pas encore dedans. C'est-à-dire avant qu'ils ne se trouvent même dans le système, bon, peut-être ça peut constituer un avertissement. Mais pour les gens qui sont alors déjà dedans, comme dit Lichtenberg, là, vraiment, je suis assez sceptique sur les résultats qu'on peut obtenir. Est-ce qu'on pourrait dire de Jacques Bouvresse que quelqu'un a dit de Karl Krauss, il voyait le déclin mais espérait le salut? Oh oui, on pourrait dire ça. En tout cas, j'espère le salut, oui, ça c'est sûr. Mais je pense peu en termes de déclin, si vous voulez, autant que possible, parce que, bon, penser en termes de déclin, il y a des gens qui font ça. Bon, je pense que Finkielkraut, par exemple, est quelqu'un qui fait ça. Hein. Il pense que, du point de vue culturel, nous sommes entrés dans une phase de déclin caractérisée. J'hésite à le faire parce que il faut pas confondre, si vous voulez, les réticences ou l'antipathie qu'on peut éprouver pour sa propre époque avec, disons, une espèce de certitude objective qu'on vit une époque de déclin. C'est pas du tout la même chose. Wittgenstein distinguait complètement ces deux choses. Il n'aimait pas du tout l'époque contemporaine. Il a en effet lui parlé de déclin, mais moi j'hésite beaucoup à le faire parce que est-ce qu'on dispose réellement de critères suffisamment objectifs qui permettent de dire, comparé à la phase précédente, on est entré dans une période de déclin. Ça, j'hésite à le faire, mais disons que sans avoir réellement envie de parler de déclin, je vois en effet une époque qui est traversée par une multitude de problèmes extrêmement sérieux, extrêmement préoccupants, hein, en particulier pour ce qui concerne le milieu qui m'intéresse, le problème de la corruption. Bon, ça, je pense que la corruption est une chose qui, pour moi, est extrêmement difficile à supporter. La vie de la philosophie ne peut pas être saine et florissante s'il n'y a pas en même temps une critique philosophique digne de ce nom. La même chose pour la littérature. Alors là, je parlerai objectivement réellement d'un déclin de la critique. Bon, c'est quelque chose qui est inquiétant. Krauss pensait que les mots qui sont les plus dangereux, c'est toujours ceux qu'on perd de vue. Hein. Il dit ce qui est dangereux, c'est pas tellement le mal lui-même, c'est l'accoutumance au mal. Et je pense que c'est particulièrement vrai de ce qui est en train de se passer dans le monde intellectuel. On s'est tellement habitué à voir ce monde fonctionner d'une façon qui est un défi au bon sens et à la morale, que on finit par ne plus s'étonner ou ne plus s'indigner de rien. Et alors il faudrait retrouver une certaine capacité de s'indigner autant que possible. Voilà, ne pas s'habituer, ne pas supporter, s'indigner. Oui. On est assez loin de la sagesse que vous admirez chez Diogène ou du pari ascétique finalement qu'avait adopté Wittgenstein. Est-ce que pour vous, la sagesse est encore aujourd'hui l'aspiration philosophique par excellence ? Je pense que ça devrait. Bon, ça devrait. Maintenant, essayer de concevoir une forme de sagesse pour les modernes, ça c'est... Je sais que Ferry et Comte-Sponville ont écrit tout un ouvrage qui porte précisément sur ce thème. Mais c'est particulièrement difficile. D'abord, bon, vous savez, c'est Wilhelm Busch qui dit « le sage se tait, par conséquent, je n'en suis pas un ». Mm-hmm. Donc moi, je pourrais probablement dire la même chose. Mm. Bon, si j'étais vraiment un sage, il y a une quantité de choses que je n'aurais pas écrites. Et c'est au fond un peu la question que vous me posez. Donc je ne suis probablement pas très sage en ce sens-là. Il y a une forme de détachement dont je suis probablement tout à fait incapable. En fait, la difficulté, oui. Ce serait peut-être d'arriver à tenir ensemble le détachement et la révolte. Oui, sûrement. Sûrement, si j'arrivais personnellement à une chose qu'on puisse appeler une forme de sagesse, ça devrait nécessairement inclure ces deux éléments. Bon, mais je crois qu'il faut quand même se maintenir en état de vigilance et même jusqu'à un certain point de révolte permanente. Et c'est un peu en réaction contre ça que j'ai utilisé comme référence Diogène, hein, qui lui, bon... quand il s'agissait de remettre à leur place les hommes de pouvoir, le faisait réellement. Donc on peut se rassurer, Jacques Bouvresse n'est pas prêt de se taire. Ah non, ça, ne serait-ce que parce que je ne pourrais pas, si vous voulez. C'est même pas par morale. Je me permets d'insister un peu là-dessus. Je me sens pas... oui, il m'est arrivé quelquefois, c'est un peu le cas avec le dernier livre, là, de répondre à quelque chose qu'on pourrait appeler... une sorte de devoir ou d'obligation morale, mais généralement c'est beaucoup plus élémentaire que ça, si vous voulez. C'est même une réaction qui est de type pré-moral ou inframoral. C'est que simplement, bon, je trouve certaines choses insupportables et à ce moment-là, je le dis. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 février 2000. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.